Par les champs et par les grèves, un voyage en Bretagne, de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Chapitre 8. Autrefois, sur cette langue de terre qui s'allonge entre Pont-l'Abbé et la baie d'Audierne, s'étendait une ville si grande qu'elle avait 6 églises. Une jetée longue d'un quart de lieue protégeait son port dont chaque année des navires partaient pour la Galicie et les Asturies, ou pour la pêche des morues de l'océan. On y faisait si rapidement fortune que les laboureurs des pays voisins abandonnaient leurs charrues et y venaient en foule pour y trafiquer. Ils accouraient en si grand nombre que les champs restaient incultes et que la contrée manquait de pain. On craignait les famines, et en 1494, Jean V rendit une ordonnance qui défendait, sous peine de la hart, ces dangereuses émigrations de cultivateurs. Il y avait la rue des marchands, la rue des cordiers, la rue des argentiers, la grand-rue et bien d'autres. En 1556, elle armait plus de 3000 arquebusiers et Henri II de France accordait à celui qui abattrait le pape Guay l'autorisation de vendre 45 tonnes de vin, francs de droit, taxes et redevances. Privilège énorme dont ne jouissaient même pas les villes de Nantes et de Rennes. Cette ville s'appelait Pinmar. En 1500, on découvrit Terre-Neuve et ses inépuisables bancs de morues. Tous les pêcheurs d'Europe s'y rendirent et le grand commerce de Pinmar tomba. Puis la ligue vint qui lui porta un coup mortel. La ville n'était pas fortifiée, les pirates, les Anglais, les Espagnols descendaient, pillaient, brûlaient et rembarquaient pour bientôt revenir. Les habitants s'épouvantèrent de ces fréquentes attaques. L'appât du gain ne les retenait plus, ils s'en allèrent vers Brest ou Quimper. Enfin Fontenelle l'attaqua, la prit, la mit à sac, et le butin qu'il recueillit fut immense. Dès ce moment, la ville se déshabita peu à peu, et maintenant, de ce qui en reste, on a fait 2 villages, comptant environ 80 maisons et 300 habitants. L'un s'appelle Kériti et l'autre Pinmar. Le premier, au bord de la mer, le second, à une demi-lieue dans les terres, ce fut à celui-là que nous nous arrêtâmes. En voyant l'église, nous comprîmes quelle opulente cité avait dû s'agiter là. Elle est grande, droite, sans transept, portant nef et bas-côté, et couverte d'un vaisseau en bois gris. Malgré les écussons de ses vitraux et de ses pavés, elle est misérable maintenant. Les autels sont presque nus, pas un tableau, à peine quelques statues de bois. La mort et l'abandon sont partout. Dans un coin, au-dessous d'une magnifique fenêtre ogivale dont les baguettes enlacées forment 3 fleurs de lys découpées dans la pierre vive, nous avisâmes cependant un groupe en bois représentant Saint-Michel terrassant le diable. Le milicien céleste est un jeune homme, rehaussé en couleur, frise d'une perruque ébouriffée, armé de la lance de rigueur et serré dans une cotte d'armes en écaille de poisson. Le démon qui rampe et succombe à ses pieds est un monstre d'une belle fantaisie. Une queue de dragon se visse à son échine, sa face est un masque aplati de grenouilles, des têtes de perroquets ferment ses genoux, des pattes de bouc s'abaissent sous lui, ses coudes sont 2 becs de vautour, et ses griffes longues, ardues et acérées, se recourbent au bout de ses doigts de singe. En face, sur le chapiteau d'un pilier, 3 moines, trapus, dodus et pansus, semblent s'attrister du badigeon beurre frais qu'on leur a infligé. Au-dessus de leur tête, des oiseaux entrés sans doute par un vitrail brisé chantaient et voltigeaient, se posant sur la lampe immobile en buvant dans le bénitier. L'extérieur de l'église est un singulier mélange architectonique qui tient à tous les ordres catholiques sans appartenir à aucun. Une inscription placée sur un linteau annonce qu'elle a été bâtie en 1508 et dédiée à Saint Nonat. Le portail s'ouvre sous une grande tour carrée et ses 2 baies ogivales sont séparées par un meneau prismatique au bas duquel s'évase une grande coupelle en pierre, sorte de grand lavabo placé là comme souvenir traditionnel des ablutions d'autrefois. De chaque côté s'élèvent de hauts contreforts d'un style étrange dont nous n'avions pas encore vu d'exemple. Ils sont pentagones et chargés de toutes les faces de sujets sculptés. Ces diverses représentations paraissent suivre une sorte de progression intentionnelle et à mesure qu'ils montent vers les clochetons. Ainsi, ce sont d'abord des vaisseaux, vieilles nefs d'autrefois, hautes en poupe et creusées au milieu, puis des poissons, des poules, puis un cheval qui sort du milieu des pierres la moitié de son corps et cabre ses pieds dans l'espace, et enfin un nègre tordu et invisiblement suspendu au flanc de la muraille. Le même genre de bas-relief très ressorti se retrouve dans les pinacles qui surmontent extérieurement chaque fenêtre. Au milieu, un de ces anciens navires dont j'ai parlé vogue sur un océan de vagues, à peine indiqué au ciseau, et un ange portant ailes et banderoles s'élance à chaque coin comme la cornière d'une gouttière. En opposition à ce style exagéré et tout local, nous voyons un petit portail latéral d'un goût exquis qui réunit les époques les plus divergentes. Par ses portes légèrement cintrées, enguirlandées de rinceaux, il tient à la Renaissance, tandis qu'un chapiteau sur lequel un moine passe frauduleusement la main sous la jupe d'une nonne rappelle le gothique du XIVe siècle. Tout l'édifice se lézarde, non pas tant de vieillesse que de misère. Des touffes d'ortie poussent entre les pierres et les ardoises de son toit s'envolent quand souffle le vent d'ouest. Alentour s'étend le cimetière. Les herbes y sont hautes et les tombes pressées. Chaque lame sépulcrale se creuse à son extrémité d'une cavité en forme de cœur destinée à recevoir et à garder l'eau bénite. Dans un coin s'élevait autrefois un ossuaire, mais il ne reste plus qu'un pignon chancelant et une balustrade qui jadis était trilobée. En sortant de cette triste église qui n'a même pas la grandeur calme de la mort et qui n'a plus le mouvement de la vie, nous marchâmes vers la mer. Nous avions mis nos mackintosh et rabattu leurs capuchons, car le temps était sombre et des nuées grises, échevelées et toutes prêtes à pleurer, couraient sur nos têtes. Rien ne s'agitait dans la campagne, ni hommes, ni arbres, ni troupeaux. Nous entendions seulement le murmure confus de l'océan et le bruit du vent qui courbait les joncs. Au loin, nous apercevions les vagues luttant contre un banc de rochers. La marée montait et nous prit dans un labyrinthe de petits ruisseaux auxquels nous n'échappâmes qu'en regagnant la route battue. Avec le flux, la pluie vint, une pluie fine et pénétrante, froide, qui nous fouettait le visage et nous glaçait. Nous allions néanmoins avec courage, prenant direction sur un groupe de maisons accroupies autour d'un clocher. Nous y arrivâmes, et là aussi, au lieu d'une église, nous trouvâmes une ruine à demi comblée par le sable. Il n'y a plus ni vitraux ni toiture. L'autel gît dans un coin derrière une alcôve de ronces. Le bénitier rempli d'une fine poussière se creuse dans la muraille même. Le sol est exhaussé. Il faut presque se courber pour passer sous la porte. Dans une chambre qui sans doute servait jadis de sacristie s'épanouit un champ tout entier d'orties, de giroflées et de fougères. La sobriété de l'ogive, la pureté des nervures, la simplicité des chapiteaux indiquent le XIIIe siècle et la disposition générale de l'édifice annonce qu'il appartenait aux Templiers. En effet, la nef n'a pas de transept et n'est accompagnée que d'un seul bas-côté, particularité remarquable qui se retrouve toujours dans les constructions de l'ordre. Le clocher n'est autre qu'une épaisse tourelle fortifiée, percée de meurtrières hautes, servant à la fois de vigie et de rempart, aboutissant à une plateforme qui fait galerie au-dessus du portail et aussi bien disposée à sonner la bataille que les vêpres. Ces débris tout autant militaires que religieux, comme leur fondation, vus ainsi à ciel ouvert, sous la mousse jaunâtre qui les ronge, ont un aspect dur, âpre, désolé, qui se marie bien au souvenir de ces rudes soldats du temple que les paysans appellent encore les moinons. Du haut de la tour, nous vîmes la mer profonde, verte, livide sous les nuages du ciel, se briser sur le banc des étoques. Par une ruelle trouée à travers de basses masures, nous débouchâmes sur la grève, où quelques matelots et un douanier abrités derrière un pan de muraille regardaient l'océan qui dévore son rivage. Il envahit peu à peu la terre, il avance, avec lenteur, mais aussi sans pitié. Aujourd'hui, il emporte une dune de sable, demain un corps de garde, après-demain ce sera peut-être le village entier. Chaque jour on se recule et chaque jour il marche en avant. Un ancien du pays disait, en nous montrant une maison que jadis, lorsqu'il l'avait vue bâtir, elle était à 500 pieds du rivage. Maintenant le flot bat ses pieds et l'ébranle jusque dans ses fondements. quand la mer est basse, on aperçoit des restes de quais et des pierres de taille couchées sur des lits de varech. Aux équinoxes, chacun se sauve devant l'envahissement des hautes marées. Puis, un jour, sans doute, on ne retrouvera plus rien. Le reflux aura tout emporté au large, les barques, les maisons, le clocher et les marins. Cependant, deux pêcheurs revenaient montés sur un canot. Ils avaient été fouiller les roches pour y trouver du coquillage et rapporter belles provisions de homards et de langoustes. Nous en achetâmes deux pour donner un renfort au dîner que nous préparait M. Courtois, notre hôte de Pinmar. Eh bien, nous en prit, car sa cuisine n'était pas succulente, pas plus succulente que ses lits n'étaient bons. Nous y dormîmes cependant de ce sommeil profond que vous donne la fatigue, le vent et la pluie. Aussi le lendemain, vers 10 heures, malgré les menaces d'un temps couvert, nous partîmes gaillardement après avoir graissé nos souliers et martingalé nos chapeaux. Nulle route, nul sentier ne s'ouvrait devant nous. Nous allions à l'aventure par les champs et par les grèves, trouvant notre chemin comme nous le pouvions, sautant de prairie en prairie, marchant dans ces terrains où nos pieds enfonçaient, écrasant les joncs qui criaient sous nos pas et rencontrant quelques troupeaux de maigres vaches conduits par des femmes déguenillées qui nous regardaient curieusement passer. Au loin, nous entendions les sourdes clameurs de la mer. Son bruit nous attirait. C'est vers lui que nous tendions. Bientôt, il devint plus distinct, et nous arrivâmes à un petit promontoire qui commence par du sable et se termine par des récifs. Un poste de douanier s'y étalait jadis, mais le vent en a fait une ruine. Un rocher dressé comme un menhir, droit, inébranlable, et debout sur les lames dentelées des rocs amoncelés qui descendent vers la mer comme les degrés d'un escalier de géant. À côté, entre deux escaliers de pierre, s'allonge une fissure où l'eau s'engouffre avec grand bruit. Les vagues soulevées s'enflaient par ondulations progressives et semblaient se dérouler en arrivant vers les écueils. Là, elles bouillonnaient en écume, léchaient de leurs langues amères les blocs bouleversés, se brisaient à leurs aspérités en aigrettes bondissantes, s'étendaient en nappes globuleuses qui peu à peu reprenaient leur transparence et retombaient dans la mer par 1000 cascades argentées. Tout cela s'appelle la pointe de la torche, parce qu'autrefois on éclairait la nuit ces terribles rivages pour les indiquer aux navigateurs. Nous voulions suivre le bord de l'océan, mais le sable s'éboulait sous nos pas et fatiguait notre route en la ralentissant. Alors nous remontâmes à notre droite et nous entrâmes dans une campagne immense, plate, unie, portant çà et là deux ou trois clochers isolés et grises avec son manteau d'herbes pâles et de chardons desséchés. Nous allions en droite ligne vers le nord-ouest, le nez dans le vent. Derrière nous, la haute église de Pinmar se repliait sur l'horizon et s'assombrissait parmi les brumes du lointain. De grands oiseaux blancs et noirs voltigeaient en criant, se posaient devant nous et gratignaient la terre du bec et des pattes pour chercher pâture, reprenaient leur essor quand nous étions près d'eux et allaient s'abattre plus loin pour repartir encore. Sur la grève que nous cachaient les plis du terrain, la mer déferlait avec violence et rejaillissait comme un brouillard dans toute la longueur de la côte. Nous passâmes sans l'aller visiter auprès de Notre-Dame de Tronoën, chapelle de pauvre apparence perdue au milieu de landes désertes. Elle est tournée vers l'océan, et elle a raison, car c'est lui, rien que lui, que les matelots invoquent sous tant de noms divers. Quand la tourmente bat les navires, brise les mâts et déchire les voiles, c'est à lui qu'ils font vœu de monter pieds nus à l'église de la Bonne Mère. Quand il se lève furieux et disperse les barques dans le port, c'est lui que conjurent les femmes de ceux qui sont partis. Quand il est calme et que les filles dansent en chantant sur les grèves, c'est à lui qu'elles parlent. Vagues et goélands, rendez-nous nos maris, rendez-nous nos amants. Lorsque les marins sont en pêche, ils ne boivent jamais sans donner à la mer leur première gorgée. Libation sacrée qu'ils observent toujours et qu'ils ont acceptée traditionnellement de leur père sans en raisonner le sens. Autrefois, quand l'océan ramenait heureusement un matelot, il élevait sur le rivage un autel qu'il vouait à Neptune. Maintenant, il construit une église et la dédie au sein de son village. C'est toujours la même chose, sous une autre forme. Il faut que cette côte soit bien terrible, car dans la baie d'Audierne, depuis la pointe de Pinmar jusqu'à la pointe du Raz, ces chapelles, où vient prier l'épouvante, ex voto de reconnaissance et d'espoir, sont aussi nombreuses que les rochers. Saint-Pierre, Notre-Dame de la Joie, Saint-Guénolé, Notre-Dame de Tronoën, Saint-Villet, Notre-Dame de Penors, Sainte-Guenne, Notre-Dame de Bon Voyage, Saint-Yves, Saint-Aix, et d'autres encore que j'oublie. Et qui donc peut y venir? Tout est désert, nul ne s'agite dans ce morne pays. Les matelots sont-ils tous à la mer, puisqu'il n'y a pas de barque au rivage? Ont-ils emmené dans leurs courses lointaines leurs femmes et leurs enfants, puisqu'il n'y a pas de maison sur la côte, puisqu'il n'y a pas de blé dans les champs? En vain nous nous étonnons de cette solitude. En vain nos yeux plongent dans les profondeurs de l'horizon. Ils ne voient rien que le décevant clocher de Plouvent qui recule à mesure que nous approchons. Nous fîmes halte auprès d'une hutte qui doit servir d'affût aux chasseurs lorsque le vent du nord emporte les canards sauvages sur son souffle glacé. Nous nous assîmes à l'abri derrière elle et tout en fumant, nous vîmes une grande masse sombre qui remuait à quelque distance. C'étaient des moutons noirs que gardait un enfant en haillons. Ils allaient, poussant tristement leurs pieds devant eux, tournant le dos au vent et broutant une herbe sèche et maigre que brûle l'air de la mer sur cette terre avare. Quelques-uns passèrent par-dessus une haie, l'enfant s'élançant, criant des mots, dans sa langue inconnue, armé d'un bâton et chassant devant lui ses brebis effrayées. Elles se mirent les unes contre les autres, se heurtèrent, fuyant avec ce mouvement saccadé de la tête qui leur est propre, s'arrêtèrent brusquement, restèrent quelques instants immobiles, le museau levé, puis elles se remirent tranquillement à paître pendant que l'enfant s'asseyait sur le bord d'un fossé et polissait une baguette avec un couteau. C'était, avec les oiseaux, les seuls êtres vivants que nous avions vus depuis notre départ de Pinmar. Nous repartîmes, prenant notre direction avec le clocher que nous voyons au loin. Quand nous eûmes marché pendant une heure environ, nous nous arrêtâmes devant un obstacle que nous n'avions pas prévu. Le terrain s'affaisse tout à coup et se creuse en vallée qui serpente entre deux coteaux. La mer est coulée comme une rivière. Quand la marée est basse, on passe à pied dans les bas-fonds, mais le flot allait battre son plein. D'un côté, nous avions de l'océan, de l'autre, les méandres sans fin de ce fleuve inattendu. Il fallait renoncer à l'espoir de le tourner, car nous l'apercevions encore à l'horizon entre deux haies de collines. Nous n'avions pas de temps à perdre, la mer gagnait toujours. Nous prîmes notre parti, et côte à côte, la main dans le porte-mousqueton de nos sacs, tâtant le terrain de nos bâtons, nous entrâmes dans l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre, qu'importe, à la grâce de Dieu, et nous atteignîmes l'autre bord. Mais nos peines n'étaient pas finies. Comme nous approchions de Plouvent, comme nous allions enfin toucher à ce clocher magique qui nous guidait depuis le matin, nous arrivâmes à un vaste champ planté de glaïeuls. Au premier pas que nous y fîmes, nos pieds enfoncèrent. Le champ était un marais, et nous étions dans la vase. Nous avancions cependant, pénétrant jusqu'à mi-jambe, au risque de disparaître dans un trou de loutre. Les longues feuilles des iris s'entrechoquaient quand nous passions. Nous foulions les cressons et les myosotis. Les hoches-queues effarouchées s'envolaient à notre approche. Je me baissai dans la fange jusqu'au jarret et je cueillis une belle fleur blanche de nénuphar. Je l'attachai à mon chapeau et maintenant je la garde encore, desséchée et flétrie, en souvenir de cette bonne journée. 10 minutes après, nous étions à Plouvent et nous entrions chez Monsieur Bataille, aubergiste débitant de tabac, qui s'effraya fort quand il sut que nous avions passé le marécage, sans guide, car 8 jours avant, la vase avait englouti un gendarme tout entier avec sa moustache, ses bluffeteries et son tricorne. Lorsque nous eûmes changé nos costumes souillés et ruisselants, nous établîmes notre quartier général dans la cuisine. Madame Bataille, qui était une grosse femme rubiconde, coupa le cou à un poulet et la broche se prit à tourner avec un bruit monotone. Des enfants grouillaient par terre en compagnie d'un chien et une poule escortée de poussins venait picorer jusque sous la table. Une fumée de bois vert faisait pleurer nos yeux et Monsieur Bataille éventrait des poissons. Aussi, nous sortîmes, nous allâmes voir l'église, nous tournâmes autour de la bourgade et nous rentrâmes quand nous jugeâmes que notre dîner était prêt. Ce ne fut pas un dîner, ce fut un combat. Avant de découper le poulet, il fallait le vaincre. Il se défendit vaillamment et longtemps, nous le crûmes imprenable. Lorsqu'il fut découpé, il fallut le manger, et alors il se développa en lui une violence filandreuse qui nous rappela le style du vicomte d'Arlincourt. La lutte fut longue, la victoire chèrement achetée, mais glorieuse. Et maintenant nous comprenons qu'il se rencontre des femmes sauvages qui se nourrissent de poignards et digèrent des cailloux. Quand nous eûmes triomphalement combattu contre notre dîner, nous descendîmes à la cuisine tout fatigués de notre victoire. L'instituteur primaire du village était assis à table. C'était un épais jeune homme, vêtu d'une grosse veste et chaussé de vigoureux sabots. Il nous salua timidement quand nous entrâmes et se reprit à manger une lourde écuellée de soupe au pain. Cependant, nous fîmes faire un grog et tout en fumant, nous causâmes avec notre hôte. C'était un singulier homme que M. Bataille. Petit, vif, hardi, il avait dans les mouvements une rapidité brusque et heurtée que ses 60 ans n'avaient point endormie. Il était de Plouvier. À 12 ans, il avait quitté sa ville natale que depuis il n'a revue non plus que sa famille. D'abord, il fut matelot sur un navire marchand. Il alla ainsi aux Indes, au Japon, au Cap, puis aussi en Amérique et quelquefois en Chine. La guerre survint, il s'engagea sur un corsaire. Il fit besogne de son mieux, captant les bâtiments de la compagnie, enfonçant les futailles, empochant les guinées et faisant rage sur les dames. L'âge de servir arriva. On l'enrôla dans les marins de la garde et le voilà parti pour Trafalgar. Il y est pris, envoyé à Chatham, mis sur les pontons où il apprend l'anglais pour se désennuyer et fait des chapeaux de paille pour gagner sa vie. Au bout de 2 ans, il recouvre sa liberté. On l'incorpore dans l'artillerie de la garde. Il fait la campagne de Russie, se bat à la Moscova, manque d'être brûlé à Moscou, d'être gelé à la Bérézina, revient sain et sauf, toujours philosophe, intrépide et vaillant. Il fait la campagne de France, assiste à Waterloo, et au moment de la débâcle impériale, il est nommé douanier à Plouvant. Il s'y marie, on l'y nomme brigadier, il a fait 30 ans de service, et maintenant, avec une retraite de 365 francs, il vit heureux dans les bras de sa grosse femme. On n'a pas mené une existence aussi diaprée sans être bien pourvu d'anecdotes. Aussi M. Bataille en garde-t-il une collection choisie dans la gypsière de sa mémoire. À Trafalgar, nous raconta-t-il, j'étais pointeur dans la première batterie de bâbord du redoutable. Ça chauffait raide. La mitraille grêlait comme tous les 500 diables. Nous recevons une bordée en plein. Un boulet arrive et enlève le bras gauche d'un servant de ma pièce. Mon matin se baisse, ramasse son bras, le fourre dans un canon qu'on venait de charger. « Envoie-leur ça, » dit-il, « ça pourra peut-être casser la gueule à quelqu'un là-bas. » Et puis après ça, il tombe par terre et on le descend à l'ambulance. Il n'en est pas mort, c'était un fier larron qui avait du poil aux yeux. Comme nous lui parlions de la Russie, « Il m'est arrivé une bonne charge en ce temps-là, » nous dit-il, en se grattant la tête et en rajustant son bonnet de police. « Il faut que je vous raconte ça. Nous n'étions pas frais, c'était après l'incendie de Smolensk. Ces gredins de Cosaques nous soignaient le cuir un peu dur, ça n'allait pas mieux qu'il ne fallait, et j'en avais plein le dos. Un soir, je fais mon feu, je me couche auprès, et je tâchais de m'endormir, quand voilà un pauvre diable de sergent du 53e qui vient à moi et me demande la permission de se chauffer. « Ah, va te promener, lui dis-je, allume un tison et décampe, mais je ne veux pas que tu restes là. » Il avait la figure toute bleue et les mains enflées. C'était un bel homme pourtant. Il me prie, il me supplie, et je réponds toujours non. C'était mon idée, je ne voulais pas, et puis ma foi, chacun pour soi, n'est-il pas vrai? Enfin, mon sacré troupier, qui avait l'onglet qui lui pinçait le bout des doigts, me dit en s'approchant, « J'ai encore un morceau de pain, laisse-moi m'asseoir, et je t'en donnerai la moitié. » « Ah, lui dis-je, tu as du pain, c'est différent. Mets-toi là, je vais chercher du bois. Et s'il y a des farceurs qui veulent toucher à mon feu, flanque-leur des coups de sabre et ne le laisse pas éteindre. » Je revins avec des broussailles. Je les jetai dans la flamme, je mangeai la moitié de son pain et ça me parut crânement bon depuis le temps que j'en avais perdu le goût. Après ça, je me recouchai, me retournant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, afin de ne pas geler tout entière à la fois. Ce n'était pas tout d'avoir dormi, il fallait repartir le lendemain matin. Quand je me réveillais, le jour était venu, je vois mon camarade de lit qui tapait de l'œil, la tête sur un tas de neige. Je lui allonge un coup de pied. « Allons, l'ancien, debout, il faut se lever. » Il ne bouge pas. Je l'appelle, je le tire, je le secoue, je retourne le poulet. Bon, il était frit. Tout en le remuant, je vois qu'il a un pantalon qui n'était pas encore trop mauvais. Le mien s'en allait en étoupe. « Ma foi, dis-je, si j'ai chaud au ventre, ça m'empêchera d'avoir la colique. Il n'a pas besoin de sa culotte pour aller voir le Père éternel. » Là-dessus, je la lui empoigne. Elle était pleine de poux, sauf votre respect. Là-bas, nous appelions ça des Napoléons de Pologne. Ah, bah, tant pis que ça me tiendra chaud. Et je la mets par-dessus mes guenilles. Le pauvre diable était mort, je n'y pouvais rien, mais c'est égal. C'est une fameuse chance qu'il ait eu un si beau pantalon. Parfois, M. Bataille avait des facéties charmantes et des à-propos d'un goût exquis. Pendant la campagne de France à Montreux, je crois, un de ses voisins tombe, la tête fracassée par un boulet. Il se retourne et lui dit « Sacré nom, tu n'as pas à te plaindre, la mesure est bonne. Pour un quarteron, on t'en a donné une livre. » Puis, comme le misérable souffrait et priait haut, il lui décharge son fusil dans la poitrine et l'achève en riant par humanité. C'était là ses traits de jeunesse, histoire de rire, comme il le dit lui-même. Tous ces anciens souvenirs qu'il évoquait, à notre profit, l'avaient allumé d'une ardeur indicible. Il pétillait, bondissait, gesticulait, et regardait avec des yeux si éclatants qu'ils en faisaient peur. Sa voix enrouée criait au fond de son gosier desséché, et dans le feu de sa narration, il laissait éteindre et rallumer sa pipe à toute minute. Il était si exalté, si animé, si fiévreux que ce soir-là, il aurait conquis le monde. C'est qu'il ne lui arrive pas souvent l'aubaine de repasser ainsi en revue sa vie d'autrefois, car maintenant, devenu paisible et de facile composition, il rend sa femme heureuse et vit en bonne intelligence avec le maître d'école, quoiqu'il ne soit pas toujours de son avis. Ainsi, il trouve la langue bretonne très riche, et l'instituteur la trouve fort pauvre. Mais ces dissentiments ne vont jamais bien loin, car le magister abandonne vite son opinion quand son hôte ne la partage pas. Au reste, ils furent unanimes pour nous dire que les jeunes filles bretonnes sacrifiaient volontiers aux petits dieux badins derrière les haies et sur les bottes de paille, et que, dans les assemblées, elles se cotisaient pour payer de l'eau-de-vie aux garçons afin de ne pas manquer de danseurs. Fiez-vous donc, après cela, à la vertu bretonne célébrée dans les romances de M. Gustave Lemoine, mises en musique par Mademoiselle Loïsa Puget. Nos longues conversations avec M. Bataille nous en avaient fait un ami dévoué. Aussi, le lendemain matin, quand nous partîmes, il vint gracieusement graisser nos souliers avec l'huile d'amarsouin qu'il avait tuée et distillée lui-même. Il nous conduisit pendant quelques minutes, nous indiqua nos points de reconnaissance sur la côte, nous lui serrâmes la main en lui disant adieu et nous prîmes notre route vers Audierne ou Guyenne, ainsi que disent les Bretons bretonnants. Ce jour-là encore, nous ne parcourûmes qu'un long désert, sans habitation et sans culture. Nous suivîmes un sentier qui ondulait avec la falaise et dominait la mer où passaient au loin quelques vaisseaux. Nous rencontrions à chaque pas de larges fosses creusées dans la terre et revêtues de pierres calcinées. C'est là, lorsqu'il a pourri à la pluie et au soleil, qu'on brûle le varech pour en faire de la soude. C'est là la seule industrie des habitants de ce rude pays. Ils ne cultivent pas leurs champs, ils ne vont pas à la pêche. Ils descendent sur le rivage, avec leurs femmes et leurs enfants. On amène un chariot en bois traîné par des bœufs amaigris, et toute la famille se répand sur les rochers, arrachant les algues marines et reculant à mesure que le flot s'avance. Nous les vîmes, les pieds dans l'eau, fouiller les rocs avec des gaffes et dépouiller la pierre de sa luisante parure de goémon. Les filles en charge de lourds paquets sur leur tête et s'en vont, le poing sur les hanches, les jeter sur le sable. Là, les pauvres plantes souffrent, se rident, se dessèchent, se racornissent et s'en iraient en poussière si l'on en faisait de la cendre. Ah, pourquoi ne pas laisser verdir en paix ces belles prairies de l'océan ? Notre étroit chemin nous fit passer auprès du dolmen de Poulan, que nous vîmes sans le regarder. Puis, il descendit vers la mer et nous abandonna sur les grèves blanches sablonneuses où nous enfoncions de toute la pesanteur de notre sac et de notre fatigue. Quand, Après une demi-heure de ce rude travail, nous en sortîmes, nous tombâmes épuisés, haletants et découragés. Heureusement que nous couchions à Audierne. Nous gravîmes une petite colline où tournoie un moulin et nous aperçûmes le bourg planté d'une promenade et régulièrement aligné sur le quai de son bassin que nous traversâmes dans un bac. D'Audierne, je n'ai rien à dire, si ce n'est que le soir nous nous promenâmes derrière le port sur un sable si fin que nous n'y marchions qu'à regret et que de grands nuages violets bordés d'une frange écarlate couraient vers la mer emportés par le vent. Nous avions bien vite pris l'habitude de côtoyer l'océan. Aussi, nous fûmes tout étonnés de nous trouver le lendemain sur une grande route. Pendant que nous y cheminions, un cavalier passa près de nous au trot de son bidet. Il nous considéra quelques secondes et nous demanda sans façon où nous allions. Lorsque nous lui eûmes répondu, il nous engagea fort à nous détourner de notre direction et à faire une pointe d'un quart de lieue dans les terres pour voir le pardon de Sainte-Eugène. Nous suivîmes son avis. Nous prîmes un chemin couvert et nous approchâmes bientôt de la haute tour carrée qui sert de clocher à l'église. À l'entrée du village, au milieu de la rue, une statue en bois de la Vierge, vêtue de clinquants et couronnée de fleurs d'oranger, se tenait debout sur une table. Une soucoupe était déposée à ses pieds. D'un côté, un vieillard récitait des litanies, et de l'autre, un enfant agitait une clochette. Nous jetâmes un sou dans la sébile et nous passâmes. Autour de l'église, qui n'a rien de remarquable qu'un régiment de saints décapités, couchés le long de ses murs, s'arrondit un cimetière herbu et planté d'arbres. Des hommes et des femmes qui fument sont couchés sur les tombes, et des enfants escaladent, en jouant, les galeries trilobées d'un ossuaire. La lumière du soleil rayonne sur tout cela et tremble avec l'ombre des feuilles vacillantes. Au bas d'une ruelle qui dégringole une pente caillouteuse, coule une source claire, contenue dans un bassin carré et abritée sous un enfoncement de la muraille. C'est une fontaine magique, où doivent aller boire ceux que les chiens enragés ont mordus, et aussitôt ils sont guéris. Croyez cela, et buvez de l'eau. L'hydrophobie avait sans doute atteint sa dernière période chez tous les Bretons venus à l'Assemblée, car malgré ses vertus mirifiques, il laissait le ruisseau désert entre les deux vieilles femmes qui le gardaient, et comme les buveurs de Rabelais, il ne voulait rien emprunter à la rivière. Sur la place de l'église, une voile jetée sur deux gaules entrecroisées figurait à peu près une tente. C'est là qu'ils s'étaient réunis, entrechoquaient leurs verres pleins d'une rude eau-de-vie, et des petits vins de Bordeaux apportés sur ses côtes par les caboteurs. Une longue planche de sapin posée sur deux bûches servait de banc, et les tables étaient des futailles vides. Dans un coin, au-dessus de quelques charbons, grillait une tranche de porc dont la graisse pétillait dessus en tombant sur le feu. Nous sortîmes et nous prîmes place auprès de trois ou quatre bas bretons dont une poignée de tabac nous fit des amis. Ils parlaient quelque peu français, mais avec un accent anglais, très prononcé. Ils s'enquirent de nous, de notre pays, de nos habitudes, des motifs qui nous amenaient chez eux. Ils s'étonnaient de nos chapeaux, de nos costumes, de nos couteaux et de nos pipes. Ils trouvaient la conscription une chose injuste. Ils se plaignirent beaucoup de la misère. Pendant que nous causions ainsi, une grande fille venait d'entrer. Elle avait de beaux yeux bruns, des cheveux châtains, les pommettes accusées, la bouche insolente, la peau fine et rosée. Elle regardait avec un air de tête provoquant et décidé, et quand elle marchait, elle remuait superbement les hanches. De toutes les Bretonnes que nous vîmes, c'est la seule qui nous parut avoir quelque fumée. J'en excepte une servante d'auberge de Ploermel, mais de celle-là je ne parle pas pour m'éviter des souvenirs humiliants. Ce fameux pardon n'étant au total qu'un ramassis d'hommes qui n'avaient même pas l'avantage d'être convenablement ivres, nous continuâmes notre route. Quand nous eûmes franchi une baie étroite au murmure la mer, nous gagnâmes à travers champs une petite bourgade qui couronne une colline de son clocher et de son feuillage. C'étaient des ruelles gluantes et humides. La vapeur du fumier chauffé au soleil fumait comme un brouillard. Les enfants s'enfuyaient à notre aspect et des chiens hargneux s'élançaient sur nous en hurlant. Nous pensions être arrivés à Plogoff et nous cherchions une auberge, un cabaret, un bouchon les portes se refermaient devant nous, nul n'entendait nos questions, et ceux-là à qui nous parlions riaient quand ils n'avaient pas peur. Nous tournâmes autour de la chapelle, espérant trouver un presbytère, un recteur. Mais l'église était close, isolée, et nous avions déjà frappé à toutes les maisons qui la voisinaient. Nous étions là, nous regardant tous deux, moitié souriants, moitié furieux, plus incompris que chez les Lapons ou les Algonquins. Enfin, un homme qui raccommodait une charrue nous devina assez pour nous répondre. Il nous indiqua presque clairement notre chemin, et une demi-heure après avoir quitté ce hameau sauvage, nous rentrâmes à Plogoff. Nous ne prîmes que le temps de déposer nos sacs, et vite nous repartîmes le cœur battant, car nous allions voir cette pointe du Raz que nul n'affranchit sans peur ou malheur.